فقد أنذر عليه الصلاة والسلام، فقد أنذر وحذر وأخبر بظهور الفتن واندراس السنن وفشو البدع، وحذر من أهل الأهواء الذين تشعبوا وتفرقوا بعد عصر النبوة. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Il l'a envoyé aux djinns et aux êtres humains dans une période où l'ignorance était répandue, dans une période où l'égarement était répandu, dans une période où les gens ne connaissaient pas la vérité, une période dans laquelle ils étaient plongés dans les ténèbres de la mécréance. Et le message du prophète alayhi salatu wassalam avait pour but de sortir les gens de ces ténèbres et de les amener à suivre l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui le suivraient et a averti ceux qui pensaient lui désobéir ou ceux qui lui désobéissaient. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a commencé son appel et a proclamé qu'il était l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, les gens de son peuple l'ont alors contredit et ils ont répondu à son appel par une mécréance virulente. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu son envoyé alayhi salatu wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a enseigné aux gens la voie droite, de même qu'il leur a enseigné le chemin à ne pas emprunter, de ne pas suivre le diable. Et le prophète alayhi salatu wassalam est mort en ayant transmis le message de la meilleure des façons et nous a laissé dans une voie qui est illuminée autant de jour que de nuit. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait peur qu'après sa mort, les gens de sa communauté délaissent son suivi et qu'ils soient une nouvelle fois la proie de leur passion et qu'ils suivent les innovations par la suite. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a fortement mis en garde sa communauté contre tous ceux qui désireraient ne plus suivre le prophète sallallahu alayhi wasallam et s'inventer à eux-mêmes une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad tawafarat al-adillatu min al-kitab was-sunnah وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وتضافرت على حث على الحث على لزوم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع والمحدثات، وقد حفل القرآن العظيم بآيات الاتباع والطاعة، وأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحبهم الله، وأن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علامة المحبة الحقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع الهوى. يقول الله جل شأنه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأهل الأهواء هم المعرضون عن السنن كما قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي فإن له معيشة صعبة ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. وهكذا هم أهل البدع ضيق وضنك وحرج، فلا انشراح في الصدر ولا طمأنينة، لأن الهدى لا يكون إلا في الاتباع. Et ainsi, le Coran est truffé de versets qui ordonnent le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui interdisent toute innovation dans la religion. Et le Coran a même fait du suivi du prophète alayhi salatu wa sallam un signe d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et si vous le suivez, vous serez alors bien guidé. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Il n'y a, hormis ou après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui ne suit pas le prophète alayhi salatu wa sallam, il a alors suivi ses passions, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Sache alors que ce n'est que leur passion qu'ils suivent. Et ceux qui se détournent de la voix du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet, et ceux qui se détournent de mon rappel, alors à lui une vie pleine de gêne, et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Wal'iyadu billah. Ainsi sont les gens de l'innovation. Ils ne connaissent dans cette vie que rétrécissement, que gêne, que contrainte. Leur cœur n'est jamais apaisé, car l'apaisement ne peut avoir lieu qu'en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme l'a dit Allah azza wa jal, فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Et celui qui suit ma voie, ni il ne sera égaré, ni il ne sera malheureux. بَلْ إِنَّ اتِّبَاعَ السُنَّةِ ولزومها هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يجوز أن نتقرب إلى الله بدين أو عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت مردودة موضوعة، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز اتباع الأقوال المخالفة للسنة مهما كان قائلها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. Le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la conséquence directe de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Lorsque tu attestes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique directement que tu te dois de le suivre, que tu te dois de lui obéir dans ce qu'il t'a ordonné, de considérer vrai ce dont il t'a informé et de t'abstenir ce qu'il a mis en garde et ce qu'il a interdit, et également de n'adorer Allah Azza wa Jal que comme l'a adoré son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc interdit de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une religion ou par une adoration que n'a pas légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quel cas elle serait rejetée pour celui qui la commettrait. Allah Azza wa Jal a dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Il est donc interdit de suivre toute parole qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci quelle que soit la personne qui prononce ces paroles, car toute personne, il est autorisé de prendre sa parole et de la rejeter, sauf l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah. Et l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, les savants sont unanimes que celui à qui est apparue une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne doit la délaisser pour aucune autre parole. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit, je m'étonne d'un peuple qui connaisse la chaîne de transmission et son authenticité, puis se dirige vers la vie de Soufiane, c'est-à-dire Soufiane al-Thawri, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, qu'une discorde ne les touche ou que ne les touche un châtiment douloureux. Ayyuhal muslimun, wa kama anna l'islam huwa l'istislam wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a, wa l'istislam lillah wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a, فإن الدليل إذا قام والخبر إذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به والإذعان به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته, إن أحسن الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'islam nous ordonne de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir, mais il nous ordonne aussi d'obéir à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une parole ou lorsqu'un hadith est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans doivent se soumettre à ce hadith et doivent le prendre en considération et le mettre en pratique. Allah azza wa jal dit, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété un ordre d'avoir encore le choix sur cet ordre. Et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé s'est alors égaré d'un égarement manifeste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, à chaque fois qu'il commençait l'un de ses discours ou l'une de ses exhortations, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique de l'Irbad ibn Sariyah, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés, mordez-la de toutes dents et prenez garde à toute innovation, car toute innovation est égarement. Ibad Allah, السنة كلها خير ولزومها هو الفلاح والنجاح السنة هي الاتباع وترك الابتداع السنة هي الوقوف على حدود الشريعة فلا يقصر فيها ولا يتعداها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وفمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني أيها المسلمون قال العلماء من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة أما خلاف السنة فهو التفرق في الدين والضلال المبين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك أن تجاوز المأمور لهو الطغيان بنص القرآن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وإن التعبد بمجرد ما يستحسنه الإنسان ويميل إليه من غير دليل ولا هدى لهو عين اتباع الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وهو على خطر أن يكون مشمولا بمن قال الله فيهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Sachez que dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bien, tout le bien. Et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela la félicité, le bonheur et la réussite. De suivre la sunna, c'est-à-dire de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser toute innovation. De suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de s'arrêter aux limites de la religion, de ne pas manquer à leur égard et de ne pas les surpasser et de ne pas les dépasser, car Allah Azza wa Jal dit et celui qui dépasse les limites d'Allah a alors fait offense à lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, quant à moi je prie et je dors, je jeûne et je romps, celui qui me suit fait partie de moi et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et les savants disent rahimahumullah que celui qui s'ordonne la sunna dans ses paroles et ses actes, alors ses paroles seront sagesse. Quant à celui qui s'ordonne le fait de suivre ses passions, alors lorsqu'il parlera, sa parole sera innovation. Et sachez également que celui qui ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors créé une discorde dans la religion et il aura été la cause de la division des musulmans. Allah azza wa jalla a dit et voici mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres voies afin de ne pas vous détourner du droit chemin. Et le fait d'adorer Allah Azza wa Jal selon ce que tu considères comme étant bien, comme étant pieux, le fait d'avoir que ce critère pour adorer Allah Azza wa Jal, eh bien cela fait partie du suivi des passions. Allah Azza wa Jal a dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Et celui qui ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourt un danger, le danger d'avoir le cœur scellé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Ce sont eux à qui Allah Azza wa Jal a scellé les cœurs. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Et ils ont suivi leurs passions. Le fait donc de suivre tes passions et de ne pas donner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au livre d'Allah l'importance qu'ils ont et de les considérer comme des références, cela, wal'iyadu billah, peut amener à ce qu'Allah Azza wa Jal scelle ton cœur et que tu aimes suivre tes passions jusqu'à la fin de tes jours, wal'iyadu billah. Wa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam samma al-bid'a dalalatan li'anna al-mubtadi'a yadhillu fi al-hawa fayakhudhu al-adillata al-mutashabiha ma'khadha al-hawa wat-tashbih la ma'khadha li'inqiyad li'ahkam Allah فجعل الهوى والاستحسان أول مطالبه ويأخذ الأدلة بالتتبع فيزفى يتنزل أو فينزل الأدلة على ما وافق عقله وهواه لذا قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وحذر سبحانه وتعالى من طريق أهل الضلالة في الاستدلال كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'innovation égarement, car l'innovateur est égaré à cause de ses passions et il n'hésite pas à prendre des textes religieux, soit des versets, soit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les comprendre à sa façon afin de justifier son innovation profonde. Il prend donc comme première source sa passion et il essaye de justifier celle-ci en essayant de trouver des versets dans le Coran qui sont équivoques, c'est-à-dire qui ne sont pas clairs, qui ont besoin d'autres versets pour être compris ou qui ont besoin d'être expliqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit en parlant du Coran « Yudhillu bihi kathira » Allah Azza wa Jal égare par ce Coran beaucoup de personnes et il guide par ce Coran beaucoup de personnes. Il égare par ce Coran ceux qui ne recherchent dans ce Coran que les versets à équivoque, les versets qui ne sont pas clairs, les versets qui demandent explication et qui demandent exégèse. Ils suivent cela pour justifier leur égarement. Wal'iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, c'est-à-dire qui sont clairs et qui parlent d'eux-mêmes, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétation diverse. Les gens donc qui ont un cœur ou qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la discorde en essayant de leur trouver une interprétation. Ils utilisent donc ces versets pour rechercher la discorde, pour rechercher la division de la communauté musulmane. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wa imam al-mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أيها المسلمون إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي فهو مردود على صاحبه وهذا العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحدث رأيا في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل وقال الإمام الشاطبي رحمه الله إن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب والعياذ بالله لقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فهو عام فيهم وفي من أشبههم لأن البدع كلها افتراء على الله ونقل ابن ونقل عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة والعياذ بالله لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن المبدلين والمغيرين يذاذون أن يبعدون ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sachez qu'il n'y a pas d'avis et qu'il n'y a d'avis pour personne après la sunna du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim dans son sahih, celui qui fait un acte sans qu'il y ait eu notre commandement, alors il sera rejeté. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, celui qui innove dans nos commandements, une chose qui n'en fait pas partie, alors il sera rejeté. C'est-à-dire que cet acte d'adoration sera rejeté et ne sera pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il aura été innové, car il n'aura pas été en concordance avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum a dit celui qui innove un avis qui n'est ni dans le livre d'Allah et qui n'est pas connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas dans quel état il sera lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Shatibi rahimahullah a dit l'innovateur connaîtra l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, ainsi que le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal dit, ceux qui prenaient le veau comme divinité, ceux qui ont pris le veau comme divinité, c'est-à-dire lorsque Moussa alayhi salam est parti au rendez-vous que lui avait fixé Allah azza wa jal 40 nuits auparavant, il a laissé son frère Haroun alayhi salam s'occuper de son peuple et durant l'absence de Moussa alayhi salam, ils ont pris un veau comme divinité. Et Allah azza wa jalla a dit à leur sujet, ceux qui prennent le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et une humiliation dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les inventeurs. Et l'imam al-Shatibi rahimahullah a dit que ce verset est général et qu'il concerne tous ceux qui prennent des nouvelles divinités en dehors d'Allah azza wa jal et tous ceux qui les ressemblent, tous ceux qui essaient à leur ressembler, c'est-à-dire en essayant d'inventer des choses qui ne font pas partie de la religion. Car il dit rahimahullah, car l'innovation est entièrement mensonge vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu adores Allah azza wa jal d'une façon innovée, tu dis de façon indirecte qu'Allah azza wa jal a légiféré de l'adorer ainsi. Or Allah azza wa jal ne l'a jamais fait et ne le fera jamais, car la religion d'Allah azza wa jal a été parachevée par lui-même peu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah a dit cette parole très grande qui doit faire méditer chacun d'entre nous. Celui qui innove dans l'islam une innovation qu'il considère bonne, il a alors prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et ce qui n'était pas religion à l'époque ne peut pas l'être aujourd'hui. ce qui n'était pas religion et islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment cet acte peut-il être considéré comme la religion et comme l'islam au jour d'aujourd'hui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans le hadith rapporté par Muslim que ceux qui auront innové après lui seront repoussés, seront expulsés, seront refoulés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bassin dont nous a informé le prophète alayhi sallam que l'eau est aussi blanche que le lait, elle est plus sucrée que le miel, et celui qui en boira une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. ألا فاتقوا الله عز وجل أيها المسلمون واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واعلموا أن مخالفة السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah عز وجل a dit: et suivez ce qui a été révélé, ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, et ne suivez en dehors de celui-ci aucun allié. Et sachez que celui qui ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, cela prouve une grande carence dans son fort intérieur. Et je profite de cette occasion, de ce discours du vendredi, pour condamner une nouvelle fois encore, car cette nuit ou les nuits dernières ont été encore nourries d'incidents dans cette ville d'Équevilly, des voitures brûlées, des policiers canardés, etc. Nous appelons une nouvelle fois encore et encore ces jeunes que j'appelle des jeunes voyous, des jeunes bandits, des jeunes voleurs de voitures, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui sème la discorde sur terre, qu'il sache que c'est un grand péché en islam. Qu'il sache donc, ces voyous et ces bandits, que l'islam condamne fortement ce genre de comportement, de voler des voitures, de les brûler dans le quartier, de faire de cette ville un champ de ruines, qu'ils craignent Allah Azza wa Jal et qu'ils n'oublient pas aussi la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Et que ne pense pas ou que ne croit pas les offenseurs, ceux qui font du mal et ceux qui portent atteinte aux gens, qu'ils ne pensent pas qu'Allah Azza wa Jal est inattentif les concernant. Mais il dit Allah Azza wa Jal, إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Mais il les laisse jusqu'au jour où les regards seront effrayés. Ce sera le jour du jugement, un jour terrible qui sera tellement terrifiant que les gens auront les regards terrifiés. Ils ne pourront pas fermer leurs paupières tellement ils seront pris de terreur et de peur, à savoir quelle sera leur destinée, sera-t-elle en enfer ou bien au paradis. Qu'ils craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils arrêtent de faire de cette ville un circuit de Formule 1, qu'ils arrêtent de faire de cette ville une casse de voitures brûlées. S'ils veulent brûler des voitures, qu'ils aillent dans un terrain vague à des centaines de kilomètres d'ici, qu'ils prennent leur voiture et qu'ils versent de l'essence et qu'ils la brûlent et qu'ils se réjouissent en la voyant brûler, mais en aucun cas d'aller voler les voitures des gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, car nous sommes dans un pays dans lequel nous devons respecter le bien des musulmans ainsi que le bien des non-musulmans. Et même en faisant cela, même en brûlant leur propre voiture, cela serait interdit en islam, car c'est considéré comme du gaspillage. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Et ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Je réitère donc ma demande à ces jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, d'arrêter de porter atteinte à l'image de l'islam, d'arrêter de faire de cette ville la une des journaux et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui avant qu'il ne viendra un jour où ni les biens ni l'argent ne pourront profiter à la personne sauf pour celui qui rencontrera Allah azza wa jal en ayant un cœur sain. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب الإسلام. اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهدهم إلى طريقك، اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم ارزق لبنات الإسلام الحشمة والعفاف والحجاب، اللهم ارزق لهن الحشمة والعفاف والحجاب. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.